93.8, c'est vraiment autre chose qui va démarrer d'un instant à l'autre. Vraiment autre chose, la seule émission du paysage audiovisuel du PAF français qui coupe ses propres rediffusions pour vous plonger dans un magma temporel indescriptible. Bref, je parle. On dirait que c'est parce que j'ai pas encore calé le générique, mais pas du tout. Non, n'allez pas croire ça. Je m'emmerde. Je ne m'emmerde pas. J'aurais pu m'emmerder. Mais là, je m'emmerde. Et ça m'emmerde pas. Nous ici, nous savons bien nous emmerder. Nous sommes dans la merde. Nous sommes dans l'emmerdement de la merde. Je m'emmerde bien. C'est bon de s'emmerder. C'est bon pour le moral. Moi, je m'emmerde pour garder le moral. Un bon coup d'emmerdement et on n'en parle plus. Le moral est bon. Je me suis bien emmerdée. Je suis bien. Je me prépare à m'emmerder. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Bonjour les petits enfants! Tout est bien, il n'y a plus qu'à. Vous êtes sur Radio 106.8 et vous écoutez vraiment autre chose. Vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive qui revient sur les ondes ce jeudi 3 mars 2022. Je vous donne la date, hein, histoire de que vous compreniez bien que nous sommes en direct. Petit message personnel, Noé, Anatole, si vous écoutez cette émission, il est 21h03, il va être bientôt temps d'aller vous coucher. Mais en vrai, c'est les vacances. Donc non, restez-vous aussi à l'écoute de vraiment autre chose. Car ce soir, nous reprenons l'assaut, l'exploration de la Nurse with Wound List au pied de la lettre. C'est la série d'émissions de hors-série de Vraiment Autre Chose. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu vous en proposer. Je vais essayer de parler un poil moins vite. Mais je suis tout excité, il faut me comprendre. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu faire du direct dans les studios de Radio. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu reprendre cette aventure de la Nurse with Wound List au pied de la lettre. Alors, de quoi s'agit-il? Si vous avez raté les épisodes précédents, Previously on Vraiment Autre Chose, eh bien, l'équipe de Vraiment Autre Chose a décidé de s'attaquer à la Nurse with Wound List. De quoi s'agit-il? On est en 1979, lorsque sort le premier album du groupe Nurse with Wound, qui s'intitule Chance Meeting on a Dissecting Table Between a Sewing Machine and an Umbrella. C'est le premier album de Nurse with Wound List. Et dans ce premier album, outre la musique qui a vraiment marqué, et du reste, ce groupe a une longue, très très longue carrière avec énormément d'albums, énormément d'expérimentations. C'est très expérimental, la musique de Nurse with Wound, très expérimentale et pour autant très accessible. Et le discours de ces musiciens, c'est simple, c'est nous ne sommes pas musiciens. Enfin, pour être musicien, il n'y a pas besoin de savoir jouer de la musique. Nous, on ne sait pas jouer de la musique. Hein. Le premier album de Nurse with Wound, on ne savait pas toucher nos instruments. Par contre, on savait l'écouter, la musique. Et c'est vrai que ces gens-là sont des grands férus de musique, notamment Stephen Stapleton et John Focus Hill, eux qui, depuis le début des années 70, ont écumé tous les disquaires de Londres et d'ailleurs en Europe pour essayer de trouver tout ce qu'il pouvait y avoir d'expérimental, de surprenant, de différent. Bref, eux aussi étaient quelque part à la recherche de vraiment autre chose. Et vraiment autre chose, ils l'ont trouvé, ils ont bouffé des albums, tous les disques. Alors, est-ce que t'aurais pas un petit truc expérimental? T'as, c'est quoi cette pochette? C'est trop bizarre. Allez, vas-y, j'achète et tout. Et ils ont fait une énorme collection. Et c'est pour ça que pour leur premier album, pour bien argumenter le fait qu'il fallait surtout savoir écouter pour pouvoir faire de la musique, l'album à l'intérieur ont trouvé une liste qu'on a appelé la Nurse with Wound List, avec 292 noms de groupes ou de musiciens solos qui les ont influencés pour créer et composer leur propre musique. 292 noms. Et c'est ces 292 noms, cette Nurse with Wound List, qui par la suite est devenue un espèce de saint graal de tous les amateurs de musique expérimentale. Il fallait connaître et avoir entendu les groupes de la Nurse with Wound List, il fallait posséder les albums. Alors bon, les disquaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des petits bacs spéciales Nurse with Wound List. Les labels, les éditeurs se sont mis à rééditer les groupes et les albums de la Nurse with Wound List. Et c'est grâce à ça qu'il y a pas mal de ces groupes. Hein. Vous allez voir, bon, il y a des groupes assez connus, il y a Magma, il y a King Crimson, Frank Zappa, Captain Beefheart par exemple. Mais des choses aussi complètement inconnues, des groupes passé totalement sous les radars, qui n'ont sorti qu'un seul album, voire des groupes qui n'ont sorti qu'un seul single. Et tous ont eu le bonheur d'être réédités, d'accéder à la postérité grâce à cette liste qui a créé la postérité. Cette liste, la Nurse With Wound List, la BBC a consacré une émission de 4 heures, que je recommande particulièrement, qui s'appelle Audion Guide to Nurse With Wound List. Nous, à vraiment autre chose, à Radio Radio, on a décidé de consacrer 30 émissions de 3 heures, 50 émissions de 3 heures, c'est la 21e ce soir. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, je suis hyper bien accompagné car je suis aussi en présence, grâce aux joies du numérique, de l'indispensable, de l'incroyable et de l'immanquable Nico Bogerts qui est là depuis la Belgique. Bonsoir Nico, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends super bien. Et tu m'entends là-bas en France ? Mais on t'entend de façon limpide, on a l'impression d'être avec toi. J'ai l'impression de sentir le souffle de ta voix. Je suis justement dans l'autre local, dans les locaux de Radio Toulouse. Ne te laissez pas, je suis bien caché derrière. C'est ça en fait, je pensais que c'était un duplex, mais en fait c'est un duplex parce que tu es à l'étage. Ok, tout s'explique. Eh ben, en tout cas, très content que tu sois là ce soir. Après ce résumé des épisodes précédents, que dire de plus avant de rentrer dans le vif du sujet ? Ah si, j'ai une petite annonce à faire pour les Toulousains et puis pour les non-Toulousains qui voudraient rejoindre Toulouse. Il vous reste 2 jours parce que samedi, à partir de 16h, au local Picmill, quartier Saint-Cyprien, on fait une grosse soirée musicale, après-midi et soirée musicale, en soutien au local Data de Marseille, qui est en train de se faire virer et qui cherche à racheter ses murs. On organise donc une très très belle soirée. Vous pourrez écouter notamment Thiaz Hitch, vous pourrez écouter Ouillé Ombré Ouillé, vous pourrez écouter les Entreplateaux de Marie de Bach, vous pourrez écouter The Guilty Pleasures, vous pourrez écouter, qui j'oublie, Shitty Shed bien sûr. Enfin, gros programme qui nous attend, voilà, pour les Toulousains, Toulousaines et celles qui voudraient rejoindre la Ville Rose. Ça se passe samedi, voilà, ne ratez pas ça. Voilà, c'est la petite annonce concert que je voulais faire. Et puis du reste, tant que je fais les annonces concerts, sachez que le mercredi 16 mars, on sera au Taquin. On vous présentera tout ça en direct sur Radio Radio pour une très belle soirée de concert avec le groupe Jobo, l'incroyable MC Kersis et le collectif Circé. Voilà, ça c'était pour les annonces. Et puis annonce du passé, si vous avez raté le concert de Ruland et de Lonely Kid Quentin qu'on a fait écouter en direct sur Radio Radio, vous pouvez écouter ça dans les podcasts de Radio Radio. Et c'est le cas d'ailleurs de toutes les émissions de Vraiment Autre Chose si vous voulez remonter le fil de ce pied de la lettre. Là, on avait laissé l'aventure, on avait fini la lettre G la dernière fois et maintenant on en est à la lettre H. Du coup, c'est toi qui vas faire un gros fil rouge, je crois, sur Pierre-Henri. Et moi, je vais présenter quatre autres groupes et musiciens intercalés entre toutes les belles musiques de Pierre-Henri que tu vas nous faire écouter ce soir. Et je te laisse la parole. Oui, donc aujourd'hui, on va découvrir un peu le monde ou l'univers de Pierre-Henri. C'est un musicien, compositeur qui était né à Paris et qui était aussi décédé à Paris. Donc, il est né en 1927. Donc 5 ans, c'est le 100e anniversaire de la naissance de Pierre-Henri. Il était décédé en 2017, donc il n'a pas eu justement 90 ans. Et c'est un compositeur français considéré comme un pionnier de genre de musique concrète, de la musique électronique. Je ne sais pas si qu'il a déjà repris des normes d'être dans le terme d'apprentissage en France. Je ne sais pas si qu'elle est déjà pris dedans. J'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais dire. Est-ce que Pierre-Henri a repris que tout le monde doit être éduqué qui est Pierre-Henri en France? Pas forcément dans les écoles de musique. Après, je t'avoue que dans les réseaux musicaux dans lesquels je traîne, oui, Pierre-Henri, c'est quand même un nom assez connu. Et puis, il y a quelques titres de Pierre-Henri qui ont touché la postérité. Comme celui que tu as amené en premier, d'ailleurs, si je ne m'abuse, voilà. Qui sont connus au-delà du travail de Pierre-Henri. Je suis avec Nils, j'ai oublié, je manque à tous mes devoirs, j'ai oublié de dire que je n'étais pas tout seul dans les studios, parce que je suis accompagné de Nils, qui est stagiaire à Radio Radio, qui tenait absolument à assister à cette émission. Et Nils, ça tombe bien, est-ce que dans les écoles de musique, est-ce qu'on connaît Pierre-Henri ? Dans les studios ou dans les conservatoires où on apprend la musique électroacoustique, on en entend parler, mais à l'extérieur de ces classes un peu obscures, j'en suis pas certain. Eh ben, merci pour ton témoignage. Et donc, peut-être que c'est le bon moment pour lancer le morceau avec lequel il est venu le plus connu, à mon avis, il est mondialement connu pour ce morceau-là, qui était créé en 66 pour une compagnie de danse. Et on va écouter ça. C'est le morceau qui s'appelle Psychrock. Et c'est Pierre-Henri ensemble avec Michel Colombier. C'était Pierre-Henri Psycherock qui démarre cette 21e édition d'Au pied de la lettre. Ben, tu vois, Nico, tu te demandais si on connaissait Pierre-Henri en France. Dès les premières mesures de ce Psycherock, Nils ici présent, mais je connais ça, mais c'est Futurama. Donc, je sais pas si on connaît Pierre-Henri en France. En tout cas, on connaît au moins sa musique et ce morceau-là particulièrement, qui était le générique de ce chouette dessin animé et qui est un morceau qu'on a souvent entendu, qui a été samplé, qui a été utilisé pas mal de fois. Nico, est-ce que tu es là encore? Ah, on a perdu Nico. Je suis là, je suis là. Ah, sacre bleu, ah, quel bonheur. De toute façon, il faut te laisser un peu inquiéter. Hein, et que ça... Mais non, mais c'est vrai, c'est un morceau que je pense que presque tout le monde connaît. Et beaucoup de gens sont un peu surpris que c'est un morceau qui a été créé en 67 pour une compagnie de danse. Et c'est magnifique. Encore maintenant, je connaissais ce morceau déjà depuis des années et encore chaque fois que je l'entends, je suis très heureux. Ça fait quelque chose de très heureux. Et c'était sorti sur l'album Les Jerks électroniques de la messe pour le temps présent et musique concrète pour Maurice Béja, qu'on connaît super bien à Bruxelles parce qu'il a eu aussi une école là-bas. Je pense aussi en Paris, mais là, je ne suis pas sûr. Mais là, tu peux peut-être donner une réponse à ce niveau-là. Je ne suis pas très calé en danse. Je ne saurais te dire. Là, les pauvres Français. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces journalistes qui n'ont pas de réponse aux questions? Est-ce que tu veux continuer sur Pierre-Henri ou... Non, tu peux prendre la parole et parce qu'il y a, je reviens avec plusieurs autres petites interventions. Eh ben, j'ai déjà hâte. Bah, écoute, comme tu m'as fait une petite frayeur, bah, je vais rester dans ce sentiment-là, le sentiment de la peur, le sentiment de l'inquiétude. Et je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Horrific Child, un groupe qui m'était complètement inconnu, donc je ne vais pas pouvoir vous en faire des tartines pendant des heures. Je peux juste vous dire que c'est l'œuvre de Jean-Pierre Massiera, qui est un producteur prolifique, très prolifique, des années 60-70, qui bosse sur pas mal de projets, des choses très mainstream, comme des choses plutôt aventureuses, comme par exemple Infony, dont on parlera bientôt, à la lettre I, puisqu'ils font partie de la Nurse With Wound List. Et ce compositeur a bossé dans les années 60 pour un projet plutôt dark, qu'il a beaucoup, beaucoup marqué, et quand il a décidé de se lancer, de créer sa propre musique, et ben il a mis toutes ses influences dedans et surtout cette petite ambiance inquiétante, un petit peu angoissante. Il y a pas mal de projets musicaux dont on a parlé dans la Nurse With Wound List. On pouvait se poser la question de tiens, c'est surprenant que c'est influencé Nurse With Wound parce que c'est quand même c'est pas tellement, il y a peu de ressemblances. Là, pour le coup, bon, on est quand on connaît un petit peu Nurse With Wound, dans Horrific Mr. Child, on peut tout à fait comprendre qu'ils aient été influencés et qu'ils aient tenu à ce que ce groupe apparaisse dans leur liste. Horrific Child, donc le projet de Jean-Pierre Massiera, c'est un album, l'étrange Mr. Winster, sorti en 1976. Que dire de cet album? Que c'est un album de producteur, déjà, c'est clair et net. Donc il y a beaucoup de bidouilles, il y a beaucoup de collages, il y a énormément d'inventivité. C'est vraiment un gros, gros boulot de studio. Et c'est une franche réussite que je recommande vraiment particulièrement. J'ai pris ma tarte à écouter cet album. Ça a été très, très dur de choisir des morceaux. Il y en a trois. On va en écouter deux. On va écouter les deux tiers de l'album parce que vraiment ça vaut le coup. Et on va commencer par le titre qui ouvre l'album et qui s'intitule Frayeur, à l'image de ce que j'ai ressenti quand j'ai cru, Nico, que nous avions perdu pour toujours. Alors on démarre avec Frayeur, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance, et puis on en reparle juste après. Thank you. Mucho Si mucho nambara Awamba yenga niwe ngumbuye Anda kumbuye rubinga Atwa agenda nyetita genza nya Ayetwa bala rubinga Numugenzi nifoza Namukonde menzi yonzi Kira senda simba numwe putza nawe Ingene ivugira wambaye nga niwe ngomboye nakumbuye murongo nanjye Niba yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu Ndamoze ni Filipo Kiratwari bukuru kirazemana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kiratwigire iwacu ruguru yali yali ya ali yali ya mahonda yindicwa Et que fait un producteur quand il signe son premier album pour terminer le premier morceau de son premier album ? Et bien sûr, un fade out. Voilà, et ça, ça fait plaisir. Vous savez, chers amis auditrices, à quel point je suis particulièrement féru de ce petit principe de faire des fade out quand on sait pas finir un morceau. Et bien, celui-là ne déroge pas à la règle. Pour le reste, ben comme vous l'avez entendu, hein, ça part du côté de la trance, ça part du côté de choses plus ou moins inquiétantes, un petit peu de psyché, enfin voilà, l'univers est assez large, celui de Horrific Child. Tu connaissais Nico ? Je connaissais le nom, je connaissais pas cet album-là, mais entre-temps je l'ai découvert et c'est super. Eh ben écoute, je suis content que ça te plaise parce que j'ai eu un mal de chien à choisir, mais j'ai quand même décidé de passer le morceau de 16 minutes, qui est le dernier morceau de l'album qui comporte trois morceaux. Ouais. Le deuxième morceau, c'est un long speech hyper effrayant et assez inquiétant avec une musique angoissante derrière. Et ce troisième morceau m'a particulièrement touché parce qu'il part dans pas mal d'univers différents. On va y retrouver un petit peu du Pink Floyd des débuts. On va trouver des choses qui sont très musique de film aussi. Des choses très Nurse-Wiz-Woundiennes aussi. Pas mal de bidouilles et d'effets sonores assez chelous. Tout ça mélangé, ça se termine par quelqu'un qui Anon et qui hurle les chants de Maldoror. Enfin, c'est un titre assez particulier qui est très très beau, qui s'appelle H.I.A., ce qui signifie horreur indescriptible accumulée. Voilà, toute l'ambiance de cet album est comme ça, donc c'est sombre, c'est noir, c'est un brin effrayant, c'est super psyché, c'est très trippant, franchement, c'est un beau voyage, donc voilà, c'est parti pour un voyage de 16 minutes vers une horreur indescriptible accumulée, et Dieu que l'horreur fait du bien quand elle est aussi bien montée, aussi bien écrite, aussi bien imaginée, donc c'est parti, donc encore un morceau de Horrific Child, je le rappelle, c'est tiré de l'album L'étrange mystère Winster, qui est paru en 1976. tombeau familial repose la malédiction des Kinderstein. Par lune maléfique, sous un ciel vêtu de noir, devant la mandragore pour accomplir le pacte qui me lie avec le diable. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Radio 106.8 et vous écoutez vraiment autre chose. Ou peut-être que vous nous écoutez du côté de la Corrèze et du côté de nos amis de Bram FM qui rediffusent nos émissions le vendredi à 22h30, merci à eux. Auquel cas, il est 23h15 si vous êtes le vendredi soir en train de nous écouter. Par contre, si vous nous écoutez sur les podcasts de vraiment autre chose, sur notre blog ou sur le podcast de Radio Radio et sur nos Mixcloud, eh bien, il est l'heure qu'il était quand vous avez commence à nous écouter, plus 45 minutes, pour peu que vous ayez pris l'émission dès le début, parce que si vous l'avez pris à un autre moment, là pour le coup je ne vais pas pouvoir vous renseigner. D'ailleurs, je ne suis pas une horloge parlante, je suis juste là pour présenter vraiment autre chose, et on vient d'écouter à l'instant un morceau fabuleux, tiré d'un album tout autant fabuleux, que je recommande particulièrement. Donc l'album, le groupe s'appelle Horrific Child, c'est le projet de Jean-Pierre Massiera, l'album s'appelle L'étrange Mr. Winster, et on vient d'écouter H.I.A. Horreur indescriptible accumulée. Je sais pas ce que tu en as pensé, Nico, mais moi ça me colle des frissons. Ah, c'est un bel exemple où que Steve Stapleton a peut-être trouvé ses inspirations. Ah ouais, il y a des grandes chances, ouais. Ouais. Et peut-être pas que lui, et je souhaite à beaucoup de musiciens et de musiciennes d'écouter cet album et d'y trouver source d'inspiration, parce qu'il y a vraiment tellement, tellement de choses. Je vous ai pas passé le morceau 2, qui est le morceau le plus inquiétant, quelque part, en fait, celui qui explique plus cette atmosphère d'angoisse dont je parlais tout à l'heure. Et je vous invite à écouter ça par vos propres moyens. Bon, il y a des gens qui ont uploadé l'album sur YouTube, bien sûr. Peut-être qu'il y a un Bandcamp qui traîne. Sinon, ça a été réédité. Enfin voilà, n'hésitez pas. Horrific Child, l'étrange Mr. Winster, c'est une petite perle. Ouais, on va peut-être continuer avec Pierre-Henri. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, bah alors là, jusqu'au bout de la nuit. Ok. Et donc, Pierre-Henri, après ses études traditionnelles au Conservatoire de Paris, auprès d'Olivier Messiaen pour l'harmonie et Nadia Boulanger pour la composition, Pierre fait en 1949 une rencontre décisive avec Pierre Schaeffer, avec lequel il fonde le GRMC, donc le groupe de recherche de musique concrète dédié à l'expérimentation de la musique concrète. En collaboration avec Pierre Schaeffer, il écrit la symphonie pour un homme seul, et là il écrit ça entre 1949 et 1950, et l'opéra concrète Orphée, qui comporte l'étonnante séquence Le voile d'Orphée, où l'on retrouve déjà la technique d'enterrement de sonore, du ton sonore caractéristique de son style, et la présence de la mort, un sujet qui l'inspirait aussi déjà le groupe précédent. Et on va écouter trois sections de symphonie pour un homme seul. Ça va être Prosopopée numéro 1, Erotica et le Scherzo, donc vraiment dans le style d'une symphonie où il est encore inspiré de musique vraiment classique et traditionnelle. Ahoy! Waouh, ah, ça se termine, c'est... merci Nico. Avec plaisir. Il faut, à mon avis, plutôt dire merci Pierre-Henri et Pierre Schaffer. Il faut aussi savoir que c'est un morceau, c'est une symphonie qui était écrite en 49-50. Donc c'était vraiment quelques années, justement, qu'il a terminé ses études avec Olivier Messiaen et Nadia Boulanger et qu'il ose d'écrire une symphonie qui est complètement différente que des symphonies qu'on connaît dans cette époque-là. La seule chose qui est un peu traditionnelle, c'est qu'il utilise vraiment le même compartiment dans une symphonie, les scherzos, tous des petits trucs, que c'est tous des petites, comment dire, des petites séquences chaque fois. Mais c'est la seule comparaison avec la musique classique ou une symphonie classique. Le reste, c'est vraiment osé. Et ça a duré jusqu'à 72 avant que cet album était sorti. Donc, c'est 20 ans après que le symphonie était écrit. Ça a pris 20 ans avant qu'il était sorti. À l'écoute, on a vraiment l'impression que ça raconte une histoire. C'est hyper visuel, je trouve, comme univers, quoi. Enfin, on imagine un film ou quelque chose qui se passe derrière. Ça s'appelle Symphonie pour un homme seul. Il y a une histoire qui est racontée. Je veux dire, il y a un texte quelque part. On sait qui c'est cet homme seul ou c'est laissé à notre imagination de se faire une idée. Je pense qu'il faut le laisser sur votre propre imagination. C'est toujours mieux. Je n'aime pas toujours de connaître l'histoire derrière une symphonie, parce qu'avec les symphonies, on peut toujours écrire une histoire et que c'est qui correspond pas avec ce qu'on s'imagine au moment qu'on l'entend. Et je pense que c'est super chouette que on connaît pas l'histoire, comment il est écrit, et qu'on crée nous-mêmes notre propre histoire. Eh ben, c'est bien agréable, l'imagination au pouvoir, quoi. On n'est pas loin de 68. Voilà. Eh ben, je vais reprendre la main et je vais vous amener du côté de l'Espagne. Une fois n'est pas coutume, il y a peu de groupes espagnols dans cette Nurse with Wound list. Et là, c'est un musicien en la personne de Juan Hidalgo, qui est né le 14 octobre 1927 à Las Palmas de Gran Canaria. Et qui étudie le piano dès sa jeune enfance, étudie le piano et la composition à Barcelone et à Paris. En 1957, il participe au 12e Festival international de musique nouvelle à Darmstadt avec son œuvre Ukanga. Et c'est le premier compositeur espagnol à participer à ce grand festival. Il y retourne en 58 pour la 14e édition. Et là, il fait une rencontre qui aura une très très grande influence dans sa vie, puisqu'il rencontre John Cage et David Tudor, dont on avait parlé... il y a quelques émissions de ça, puisqu'il faut John Cage fait partie de la Nurse With Wound List, et je crois qu'on s'était écouté justement un album avec John Cage et David Tudor. Je sais pas si ça vous aura marqué, c'était vraiment super bien. En tout cas, lui, Juan Hidalgo, ça le marque vraiment, cette rencontre avec John Cage, et ça l'oriente vraiment vers ce qu'il veut faire de la musique, et pas que de la musique d'ailleurs, des arts en général. Et c'est en 64 qu'il cofonde avec ses camarades Ramon Barcé et Walter Marchetti le groupe Zaj, Z-A-J, qui est un des groupes les plus avant-gardistes et subversifs de la scène artistique espagnole. En plus, il faut se replonger en Espagne à l'époque, hein, on est sous Franco, la chape de plomb, donc c'est pas vraiment la fête à l'aventure et à l'avant-garde. Et ce groupe-là, Zaj, qui se réclame influencé par la philosophie zen et par l'œuvre de Duchamp, qui est un groupe que tu nous avais parlé de Fluxus, toi. Bah, on n'est pas très loin de ça, hein, des arts qui explosent et qui se rencontrent. Il n'y a pas de barrière, non seulement il n'y a pas de barrière esthétique dans l'application d'un art, la musique, mais il n'y a même pas de barrière entre les arts, puisque ce groupe Zaj va réunir des musiciens, des graphistes, des performeurs. Et c'est un groupe qui combine musique d'avant-garde, poésie expérimentale et justement performance. L'idée, c'est de décontextualiser les actions de la vie quotidienne et de remettre en cause la limitation des libertés individuelles et collectives, je cite. Et donc plusieurs actions énormes, ils se pointent dans des lieux publics pour faire des interventions des fois complètement saugrenues. Il y en a une, c'est le chevalier à la main sur la poitrine, donc il y a Juan Hidalgo et Esther Ferrer qui a rejoint le groupe Zaj. Ils sont au milieu de la foule, figés. Il regarde en avant comme hypnotisé, et lui a sa main fermement posée sur le sein de sa compagne. Il reste comme ça pendant des heures. Mais il faut se remettre vraiment dans l'ambiance franquiste, où il n'y avait pas que, enfin, non seulement de la répression, mais aussi une atmosphère générale où beaucoup de gens étaient d'accord avec cette chape de plomb. Donc ça, c'était un acte complètement anodin de nos jours. Mais à l'époque, c'est pas rien, ça choque, et c'est du pur happening. Voilà, c'est pour le groupe Zaj, qui est un groupe qui a vraiment marqué, parce que ben, faut croire qu'à l'époque on avait besoin de ça, donc ça a marqué l'histoire de l'Espagne, et ensuite après la libération, si j'ose dire, jusqu'à nos jours, Juan Hidalgo et le groupe Zaj sont vraiment des personnages marquants de l'histoire artistique espagnole. Un peu moins, ça n'a pas trop franchi les frontières. J'avoue que j'avais jamais entendu parler de ce musicien. Et on va écouter de la musique, puisqu'en 77, il sort son album Rose, c'est la vie. Alors ça s'écrit Rose avec deux R. 2R, O-S-E, c'est la vie, S-E-L-A-V-Y. Et je vous l'épelle parce que c'est un des pseudonymes de Marcel Duchamp. Et d'ailleurs, sur la pochette de l'album, il y a une photo de Marcel Duchamp habillé en femme. Voilà. Et que dire sur cet album? Il sort chez Cramps Records, encore eux. J'ai déjà parlé de ce super label italien qui est vraiment à la pointe de la musique avant-gardiste. On en est parlé parce qu'il publie les albums de Area notamment, ou de Patricio Farizelli, le pianiste dont j'avais parlé il y a quelques émissions de ça. Un super label, hein, vraiment. Je vous invite à creuser tout ce qui est sorti chez Cramps Records, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment de la bombe. Et voilà, que dire de plus sur cet album ? Parler peut-être un petit peu de la musique. Et ben, le processus musical, il est hyper radical et très clair. Parce que oui, ça aussi, c'est un truc que j'ai oublié de dire sur les interventions et les happenings de ce groupe, Zaj. C'est que ce sont des choses hyper écrites. Ça va se passer comme ça. Il n'y a pas d'idée d'interaction avec le public et il y a encore moins d'idée d'improvisation. Et on retrouve un peu cette rigueur-là dans cette musique et dans cet album, Rose, c'est la vie, qui a un concept hyper simple. C'est une mélodie qui est jouée au Glockenspiel pendant 6 minutes 30. C'est le premier morceau. Deuxième morceau, cette mélodie revient, la même, comme si on réécoutait le premier morceau, mais se rajoute par-dessus des petites notes de piano écartées. Je veux dire espacées. Troisième morceau, on retrouve le deuxième morceau, donc les deux ajouts, plus un piano préparé. Et ainsi de suite. Voilà, un peu comme quand j'étais gamin, je me rappelle d'un film que je regardais, d'un petit court-métrage où on voyait un cambrioleur qui rentrait dans une maison, puis l'image suivante, c'était le même cambrioleur, mais tu voyais quelqu'un à côté qui faisait un truc, et puis l'image suivante. Voilà, il y a cette espèce d'accumulation où le morceau devient de plus en plus riche, et on écoute toujours la base et le glockenspiel de base. Du coup, à l'écoute, c'est assez chelou, et c'est pas désagréable, vraiment, parce qu'il y a cette espèce de montée, donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer, quel instrument va se rajouter, comment ça va finir. Bon, on sait comment ça va finir puisque c'est quelque part toujours la copie du premier morceau, mais on est surpris vraiment par les ornementations et par ce qui se rajoute au fur et à mesure. Pour preuve, on va s'écouter deux titres qui se suivent dans l'album. On va s'écouter le quatrième morceau. Donc je vous ai dit, il y avait le glockenspiel, le piano préparé. Là, dans ce quatrième morceau, il y a des percussions, j'ai l'impression que c'est des morceaux de bois qui se tapent entre eux, je saurais pas trop définir, mais qui se rajoute aussi et qui rajoute une très très belle ambiance. Donc on va l'écouter, puis après on en reparle un peu, puis après on en écoute un autre. Enfin voilà, on a un chouette programme devant nous. Le titre qu'on va écouter, est-ce que je l'ai bien calé? Où est-ce qu'il est? Pourquoi je le trouve pas? Tac, tac, tac, il est où? Pardon, bonsoir, tout ceci sera méchamment coupé au montage. Mince, où est-ce que je l'ai mis? Oui, bonsoir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nico, pendant que je me galère? Oh, ça dépend de ce que tu voulais que je te raconte. Ben, en premier lieu, le fluxus, c'est quand même un mouvement assez intéressant. Et donc, je pense qu'il n'était pas vraiment un membre de fluxus, mais qu'il est fort inspiré. Et Duchamp, c'est vraiment une belle inspiration. Et c'est plutôt dans le dadaïsme que le fluxus, je pense, hein. Ouais, non, complètement. Puis aussi, je te disais, pour le côté, le point commun entre le groupe Zaj, voilà, et Fluxus, c'était aussi le fait de pas s'arrêter à un art en particulier, mais de les faire se mélanger, se côtoyer, et ne devenir quelque part qu'un seul. Ouais, tout à fait. Et aussi de faire des performances, des actions qui disent, OK, on va à un endroit, je sais pas où, et là, on commence à faire quelque chose. Donc peut-être qu'il est un peu atypique à ce niveau-là, parce qu'il adorait aussi plutôt que c'est assez structuré, si je ne me trompe pas. C'est vrai aussi. Ça y est, j'ai retrouvé le morceau. On va pouvoir l'écouter. Ah, voilà. C'est le titre 4, donc voilà, je vous ai fait un résumé des trois titres précédents. Donc voilà, le précédemment, on avait un piano préparé, un piano et un glockenspiel. Et là, ce sont des petites percussions qui viennent se rajouter toujours à la même mélodie de base. Donc on écoute le morceau 4 qui s'appelle « Eau de voilette ». Thank you. De Voilette, le quatrième titre donc de cet album Rose c'est la vie, qui est signé Juan Hidalgo. Tu connaissais cet album, Nico? Oui. Et alors, qu'en penses-tu? Bon, c'est assez intéressant, je pense. Hein, bah, je partage vraiment ton intérêt. J'espère que c'est le cas de vous, chers amis auditrices. Et on va continuer donc l'exploration. On va clore l'exploration de cet album Rose, c'est la vie, avec le titre conclusif. Donc, vous avez compris un peu le principe donc, de ces ornementations qui se rajoutent les unes après les autres. On est sur quasiment les mêmes durées de morceaux. Pas tout à fait les mêmes tempos, en fait. Hein. Bref, si on écoute vraiment attentivement, il y a des morceaux un petit peu plus longs. Il y a quelques écarts des fois, mais on reste vraiment sur la même structure. Et donc le sixième titre, vous l'aurez compris, il y aura deux rajouts supplémentaires et je vous laisserai les deviner. Bon, la dernière, c'est de l'électronique. L'avant-dernière, je vous laisse la retrouver. Et le titre s'intitule LHOOQ. LHOOQ, c'était un des happenings de Marcel Duchamp là, qui avait peint ça sur une copie de la Joconde, si je dis pas de bêtises. Il avait écrit LHOOQ sur la Joconde et ça avait, bon ben voilà, comme tout ce qu'a pu faire Marcel Duchamp, déranger, bousculer et fait un petit peu avancer les choses. Donc on va s'écouter donc ce LHOOQ qui clôt donc l'album Rose c'est la vie de Juan Hidalgo. Thank you. C'est dans des moments comme ça que je goûte vraiment le plaisir d'être sur Radio Radio et d'avoir libre cours à diffuser la musique qu'on veut et à pouvoir écouter des incongruités comme celle-là. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'était LHOOQ, le titre qui conclut l'album Rose, c'est la vie de Juan Hidalgo, puisque ce soir, c'est une soirée spéciale autour de groupes musiciens et musiciennes commençant par la lettre H et faisant partie de la Nurse With Wound List. C'est au pied de la lettre 21, la tentative d'exploration que nous faisons sur Radio Radio. Et notre fil rouge, c'est Pierre-Henri et c'est Nico qui nous en parle. Et c'est qui Pierre-Henri? Et c'est qui Pierre-Henri? Ah, je ne sais pas. C'est un musicien assez intéressant, je trouve. Après avoir fondé son propre studio Absom, il entreprend une longue collaboration avec le chorégraphe Maurice Béjart, qu'on a déjà entendu au début de l'émission. Ses compositions au début des années 60 ont eu une certaine pureté, comme le ballet Le Voyage en 62, inspiré du livre des morts d'Ypétain et les célèbres variations pour une porte et un soupir. Un super chouette album, je trouve. Et à mesure que la décision avance, sa musique adopte des qualités de plus en plus spirituelles et méditatives, comme la messe de Liverpool et l'apocalypse de Jean. Des œuvres encore plus ambitieuses suivent. Le 10e symphonie, qui était une gigantesque réunion d'extraits de 9 symphonies de Beethoven. Donc, si vous ne connaissez pas encore toutes les 9 symphonies de Beethoven, il faut écouter le 10e symphonie de Pierre-Henri. Et là, vous avez directement les 9 ensemble. Justement, les meilleures choses. Et le Noche Chimique, qui était sorti en 80, qui le font jouer simultanément les rôles de compositeur et de metteur en scène. La productivité de Pierre-Henri associée à son goût, de sa démesure et à son extraordinaire imagination ont fait de lui le compositeur de musique électroacoustique le plus prolifique de son temps, propriétaire de studio Sonré. On va écouter un morceau qui vient de cette fameuse Apocalypse de Jean, donc une œuvre qui est plutôt religieuse, dans les mots de Pierre-Henri, évidemment. Et on va écouter le premier temps, séquence 5, Les Quatre Cavaliers, qui était sorti en 69. Deuxième partie. Les premières détresses. Séquence 5. Les Quatre Cavaliers. Et je vis un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Lui fut donné une couronne, et il partit vainqueur et pour vaincre. Et sortit un cheval couleur de feu. À celui qui le montait, il fut donné d'arracher la paix de sur la terre, et que les hommes s'entr'égorgent. On lui remit une épée longue et lourde. Et je vis un cheval noir. Et celui qui le montait avait une balance dans la main pour mesurer le blé de la famine. Et je vis un cheval de brouillard. Et celui qui dessus montait, son nom est mort. Et l'enfer les suivait. Je vis alors l'agneau rompre le premier des sept sceaux. Et j'entendis le premier des animaux dire comme à voix de tonnerre « Viens !» Lorsqu'il rompit le second sceau, j'entendis le second des animaux disant « Viens !» Lorsqu'il rompit le troisième sceau, j'entendis le troisième des animaux disant « Viens !» Lorsqu'il rompit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième des animaux disant « Viens !» Les quatre cavaliers, hein, c'est toujours Pierre-Henri qui est le fil rouge de cette édition, 21e édition de Au pied de la lettre, 192e émission de vraiment autre chose. C'est extra. Nico, en écoutant ça, j'ai quelques questions qui me viennent, mais je crois que depuis tout à l'heure, le jeu entre nous, c'est de poser des questions à l'autre dont il n'a pas la réponse. Mais Pierre-Henri, quand il cite comme ça des passages de l'Évangile, de la Bible, c'est respectueux. Je veux dire, il est vraiment dans une démarche religieuse. J'ai l'impression, oui. Avec cet album-là, il y a aussi un livret dedans. Je pense de 24 ou 28 pages. Et là, le texte est aussi complètement écrit. Donc, je pense que pour lui, ça restait peut-être quand même assez proche de la réalité de textes originaux. Ah, c'est fou. Et puis vraiment, ce qui se passe musicalement, c'est complètement imprévisible. Ouais. C'est waouh. C'est hyper beau. C'est marrant, Pierre-Henri, j'en avais vraiment l'image de... Enfin, je connaissais le psyché rock, mais pour le reste, j'avais l'image d'une musique plutôt absconce et inaccessible. Et je trouve ça hyper, ouais. Hyper ouvert, en fait. Mais je me souviens encore, au moment que je proposais de faire cette fil rouge, je me disais, mais oh, il a quand même beaucoup des albums, de morceaux de 20-30 minutes et toutes les choses comme ça. Il a ça aussi, hein, parce qu'il a en total... 80 albums qui étaient sortis avec une trentaine avant que le Listener surtout n'était sorti. Et là, il y a aussi pas mal des albums qui sont complètement différents ou que c'est plutôt la musique électroacoustique. C'est plutôt qu'il faut pas, qu'on ne peut pas vraiment écouter en stéréo, mais il faut l'écouter dans un acousmonium. Ça ne m'étonne guère. Et tu sais si, enfin, je suis curieux, Pierre-Henri, à ce moment-là, là, en 69, par exemple, quand il sort cet album dont tu nous as passé un extrait, c'est un musicien déjà hyper reconnu ou c'est arrivé plutôt sur le tard, la reconnaissance et le fait que maintenant, pour beaucoup, c'est un grand nom de ces musiques-là? Bah, je pense que c'est... une évolution, parce que aussi au départ qu'il a construit avec Pierre Schaeffer le GRM, c'était quand même un studio qui était subventionné par l'État. Après, il a commencé avec son propre studio pour être plus indépendant, plus créer ses propres musiques et moins dépendre de l'argent qui vient de l'État. Mais il était vraiment, à mon avis, c'est à 69 que c'est complètement changé une fois qu'il a sorti ce fameux psych rock qu'il est devenu beaucoup, beaucoup plus connu. Eh ben, écoute, c'est merci de t'en faire le porte-parole ce soir. Je vais reprendre la main et alors là, on va glisser vraiment à complètement autre chose. Mais c'est aussi l'avantage de cette Nurse with Only, c'est que ces messieurs se sont laissés influencer par beaucoup de choses qui n'ont sur le papier rien à voir. Et c'est le cas du groupe dont on va parler maintenant, qui s'appelle Hampton Grease Band, le groupe de la Grèce d'Hampton. Hampton, c'est le nom d'un des musiciens. Alors que dire sur ce groupe ? Bah, que ça me fait penser à, mais que je fais une petite dédicace à mes camarades Guénolé et Inès qui sont absents ce soir et qui m'avaient interloqué lors d'une émission qu'on avait fait avec toi d'ailleurs parce qu'ils ils étaient en train de regarder France-Belgique sur leur téléphone portable parce que Hampton Grease Band, ça sonne un petit peu comme Antoine Griezmann, je trouve. Voilà, une petite homonymie. Ça a été ma première réaction quand il a fallu m'attaquer à ce groupe. Et pour en parler plus sérieusement, ce groupe-là, bah, déjà cité les musiciens, on a Jerry Fields alias Booba Photo, qui est au trombone, à la batterie, percu et chant. Bruce Hampton, le fameux Hampton, alias Colonel Hampton, attention, au chant et à la trompette. Glenn Phillips est à la guitare, Mike Holbrook est à la basse et Harold Kenning est à la guitare, au chant et à la réalisation de la pochette. Très très belle pochette d'album qui fait un petit peu penser à du Dali. Quant à la musique, elle fait carrément penser à Captain Beefheart. On est vraiment dans cet univers-là, c'est-à-dire que c'est un univers blues grass avec des incongruités qui n'ont rien à faire dans cette musique-là. En gros, quoi, pour résumer. L'histoire de ce groupe, à la base, c'est un groupe de blues, de toute façon, voilà, un groupe de blues psyché, qui tourne d'ailleurs avec des grands noms de l'époque, comme par exemple les Allman Brothers ou le Grateful Dead. Et la particularité de leurs concerts, c'est qu'ils font un peu beaucoup les cons sur scène, pas mal de bouffonneries assez loufoques. Et donc, de fil en aiguille, à force de faire des premières parties, finissent par choper leur public et à avoir leur petite notoriété. Et ce qui les amène à signer pour un album chez Columbia Records. C'est pas rien, quand même, un gros gros label américain. Et donc, ils sortent leur premier album, Music to Eat, musique à manger, en 1971. On va s'écouter de suite un extrait, j'en reparlerai un petit peu plus tard. On va s'écouter Maria, donc le deuxième titre de cet album, Music to Eat, histoire de vous mettre un petit peu dans cette ambiance très très Captain Beefheartienne, mais avec quand même sa propre personnalité. Allez, c'est parti, Maria. In the river by the village, where Maria takes her bath, there me and Pancho and Guillermo, we all stare at her and laugh. But sometimes when they're all out working, I sit and watch her all alone, and wish that I was in there with her, and that she would feel my bone. Maria, how can 5 years mean so much? It seems that a 13-year-old boy would be allowed to touch. We now see Sanchez Rodriguez climbing out of the bushes and moving slowly towards Maria in a seemingly uncontrollable frenzy. Sanchez stands up and removes all his clothes from his frail little body. Now broken into a cold sweat, Sanchez runs towards Maria and vaults upon her, only to find, to his great surprise, that Maria greets him with the warmest of arms and tenderest of eyes. Never before in my life did I understand why my father took my mother for a wife. The feeling of warmth that you're transmitting to me makes me realize how much more I can do than pee. La la la la la la. Oh. dollar. Give me a dollar. Maria. Hey, Maria. Listen to me. How can I thank, I want to thank you, Yui. Hampton Grease Band, tiré de l'album, le titre c'était Maria, l'album c'est Music to Eat, paru en 1971 chez Columbia Records. Un album Music to Eat, ou comme son nom l'indique, il y a à boire et à manger. Quelques morceaux, il y a 7 morceaux en tout, des morceaux qui dépassent allègrement le quart d'heure. Et je me suis pas arrêté sur cela, parce que à vrai dire, bon là c'est un point de vue complètement personnel et je vous invite à vous faire votre propre opinion. Il y a un petit côté bifartien, mais peut-être pas assez à mon goût, et c'est un poil trop propre, et surtout les guitares soliloques à mon sens beaucoup trop. C'était déjà un peu le cas sur ce morceau-là, mais encore ça passe, mais vraiment sur les morceaux de 20 minutes, il y a des solos hyper démonstratifs qui du coup cassent un peu le côté potache, je trouve, qui apparaît très clairement. Il y a un petit côté Zappa, mais peut-être même Zappa qui était vraiment un virtuose et beaucoup moins démonstratif dans ses albums. C'est un peu le défaut de ce Music to Eat qui, à mon sens, a un poil mal vieilli, et dont on peut se poser la question de la présence dans cette Nurse With Wound List. On se pose la question en écoutant cet album jusqu'à ce qu'on arrive au morceau 5 qui s'appelle Lowton, qui est très noisy pour le coup, quasiment post même par moment, et là pour le coup, ouais, je sens bien en quoi ça a pu accrocher l'oreille de Stephen Stapleton et peut-être lui donner envie d'écrire sa propre musique après. Donc on va s'écouter ce titre là Lowton, donc tiré toujours de Music to Eat, et ce qu'on écoute c'est donc le Hampton Grease Band, Lowton. Thank you. Lawton, c'est le nom du titre qu'on vient d'écouter. Music to Eat, c'est le nom de l'album dont il est issu, paru en 1971. Hampton Grizz Band, c'est le nom du groupe qui a joué la musique qu'on vient d'écouter et qui a réalisé l'album dont il est issu. Voilà. Tu connaissais tout ça, Nico ? Attends, je suis occupé de manger quelque chose. Ah, ok. Bon, alors je vais pas te forcer à avaler ta, bouchée. Parce que c'est la musique to eat. Hein, donc, ah bah ouais. Pour même manger. Mais ouais, c'est de la musique pour manger. Ah, c'est de la bonne musique à fumer aussi par moment hein, dans cet album. On va pas se mentir, hein, c'est quand même bien psyché. Que dire de plus sur ce Hampton Grizz Band ? Bah, ils sortent cet album Music to Eat chez Columbia Records. Et alors là, attention. Ils auront quand même le prestige que cet album sera le deuxième album le moins vendu de toute l'histoire du label Columbia Records. L'album le moins vendu, c'est un disque de yoga, et en deuxième, du coup, c'est eux. Voilà. Donc, autrement dit, eh ben, c'est grâce à la Nurse With One List que cet album peut être encore écouté de nos jours, parce que voilà, ce groupe-là, Columbia, ils leur ont dit ciao, hein, excusez-nous, mais voilà. Et du coup, ils ont signé pour le label de Frank Zappa, mais le groupe s'est finalement dissous. D'ailleurs, ils apparaissent dans un live de Frank Zappa, le live à Fillmore East. Si Stéphane était là, il ferait « Oh, punaise !» Là, il va finir East parce que je sais qu'il en est très fan. Donc, j'en profite pour saluer mon camarade. Et voilà, le Hampton Grizz Band n'aura plus d'existence par la suite. Mais cet album, j'en suis pas non plus méga féru. Mais rien que pour le morceau qu'on vient d'entendre ou pour certains passages des longs morceaux, ça reste quand même très très agréable à écouter. Et puis, c'est une bonne photographie de ce qu'on pouvait faire comme musique à l'époque. Oui, je suis peut-être quand même d'accord avec ça. Aussi, j'ai un album de Glenn Phillips où que j'ai aussi un peu le même sentiment. C'est plutôt le guitariste, je pense. Et ouais, je ne dis pas que c'est un album splendide, mais il y a quelque chose dedans. Donc, ça ressemble un peu à ce que ce formation est. Ouais, c'est joué avec sincérité, ça se sent quoi, au moins ça, c'est pas des poseurs les gars, et pour le coup voilà, ça se ressent qu'ils ont joué la musique qu'ils aimaient, et c'est ouais. Peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas trop vendu et que le groupe a pas tenu très longtemps. Voilà, mais on va continuer un peu avec Pierre-Henri. Aujourd'hui, le travail d'Henri en matière de manipulation de son correspond à ce que beaucoup considèrent généralement comme échantillonnage. Comme Pierre-Henri disait, j'avais la tête remplie de sons nouveaux, de sons qui ne pouvaient pas être interprétés, et c'est là la particularité de la musique concrète. Elle réside dans le fait qu'elle ne provient ni de l'interprétation ni de la performance. L'imagination est donc au cœur de la musique concrète. Et cette imagination est liée à une technique, à une manière de faire. La première, c'est donc que la musique concrète est une musique qui se fait différemment. C'est la fabrication de la musique, et pas seulement de la fabrication, mais aussi de la conception et de sa composition. Et c'est peut-être aussi une réponse à ta question au début de l'émission, où que tu posais la question... Est-ce que c'est un film qu'il faut... Est-ce que c'est des images qui sont liées ou pas ? Je pense que ça correspond un peu avec ça. Carrément, c'est ce que je me suis dit là quand t'as lu cette citation. Et on va peut-être maintenant écouter quelques morceaux. Et j'ai fait une petite bêtise, donc je dois retourner au bon endroit. Tu sais, il y a une petite section de 3 morceaux, je pense, qui suivent ou... 4 ? 4, voilà. Éveil, Fièvre 1, Chant 4 et Râle. Voilà, c'est ça. Donc, on va écouter ça parce que ça vient aussi d'un de ces fameux albums. Et on va l'écouter. Ok, et ben c'est parti. All right. Thank you. C'est complètement fou cette musique. Hein. Vraiment, c'est waouh. Ouais, donc c'était les quatre variations pour une porte et un soupir. Donc c'est vraiment les sons d'une porte et un soupir. C'est un des albums fameux de Pierre-Henry. Et ici, on a entendu que quatre variations. Il y en a en total 25. Et je vous conseille vraiment d'écouter l'album en intégralité. C'est vraiment impressionnant. Je crois que Nils avait quelques informations à nous apporter. Ah, super. Ce sont des petites anecdotes que mon prof d'électroacoustique nous avait données en classe. Ah, et Pierre-Henri était parti en fait en vacances dans une ferme. Et il me semble accompagné d'une dame. Mais il est tombé en amour avec cette porte qui était celle du grenier et avec laquelle il a passé le reste de ses vacances. Et la femme n'était plus là ou Elle était là, mais c'était plus le centre de ses préoccupations principales. Il y a passé tout son temps, il a enregistré et puis il a monté ça sur bande à son retour. Quoi. Super. Heureusement qu'elle n'est pas partie parce que ça aurait été un malheur pour lui qu'elle prenne la porte. Voilà. Mais waouh, c'est. J'en avais entendu parler de cet album-là, mais j'avais jamais écouté d'extrait. C'est fou, hein, parce que. Ouais. Vraiment, sur le papier, c'est du pur concept d'un télo de musique qui, attention, je vais vous faire un concept. Et en fait, à l'écoute, c'est magique, quoi. Ça passe ouais. Tout seul, c'est extra, hein, vraiment. Oui, et là, je pense que c'est aussi une grande différence entre Pierre-Henry et, par exemple, John Cage. John Cage, c'est aussi plutôt un compositeur où que le concept est très important. Avec Pierre-Henry, c'est quand même... Plus que ça, c'est pas uniquement le concept, mais il fait quelque chose avec que ça ajoute une valeur, je trouve. Ouais, mais en tout cas, c'est ouais, j'ai pas de mots là. Vas-y, je te laisse si tu veux rajouter quelque chose sur Pierre-Henri, mais je suis encore vraiment scotché par ce que je viens d'entendre. Mais tu peux y aller avec le suivant, si tu veux. Eh ben pourquoi pas. Je vais. Ouais, je vais clore ma section, si j'ose dire, avec Hugh Hopper, j'imagine qu'on dit Hugh Hopper, yeah. Quand on prononce comme il faut. Hugh Hopper, qui n'est pas du tout un inconnu pour les gens qui écoutent cette émission régulièrement, c'est un bassiste britannique, qui est né en 1945, et c'est un des grands noms de ce qu'on a appelé par la suite l'école de Canterbury. C'est-à-dire tout un mouvement de musiciens britanniques qui mélangeaient le jazz et la pop, en gros, hein, pour vulgariser le propos, parce que c'est un peu plus fin que ça, avec des grands groupes comme Egg, Hatfield and the North ou Soft Machine. Hugh Hopper, lui, il a commencé dans le David Allen Trio, c'est-à-dire David Allen avec Robert Wyatt et lui-même. Ensuite, ce groupe-là, ça devient Soft Machine, dans lequel Hugh Hopper ne joue pas sur le premier album, mais il écrit quelques morceaux. C'est Elton Dean qui tient la basse. Et ensuite, le Soft Machine se dissout puis se recompose et il est dans la deuxième mouture pour notamment le deuxième et le troisième album. Il apparaît dans l'incroyable Rock Bottom, album solo de Robert Wyatt. C'est surtout pour ça que Hugh Hopper est connu. Et j'avoue que moi-même, je connaissais pas sa discographie personnel, je me suis un petit peu penché dessus quand j'ai vu que son nom était dans la Nurse With Wound List. Il a notamment cet album qui s'appelle 1984. Voilà, 1984, je pense que vous avez tous la référence. C'est un livre de George Orwell, un livre mais complètement de la dystopie, mais complètement science-fictionnel, hein, qui parle de sociétés extrêmement surveillées où les gens seraient pas libres de leurs propos et de leurs pensées et seraient obligés d'agir selon les pouvoirs des puissants. Donc de la pure science-fiction. toute ressemblance avec une période actuelle serait complètement fortuite, on est bien d'accord. Et cet album s'appelle 1984. On y retrouve vraiment ce côté jazz rock de l'école de Canterbury dans ses qualités et aussi dans ses défauts. Je crois que c'était Aqua Serge qui a un morceau qui s'appelle la ligue anti jazz rock. J'aime beaucoup ce nom. Et c'est vrai que voilà, dans l'école de Canterbury, il y a quelques perles et puis il y a aussi des groupes et des choses qui sont un petit peu redondantes. Enfin, en tout cas, qui moi vont moins me toucher. Et c'est le cas de cet album 1984 où il y a vraiment des morceaux un peu funky, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, des trucs très jazz rock plutôt produits, où en plus on peut pas vraiment s'extasier devant la finesse du jeu de Hugh Hopper. Moi personnellement, je vais déroger à la règle, je ne vous passerai pas d'extrait de cet album-là, même si je vous invite à l'écouter, ne serait-ce que pour un morceau. Il y a un morceau de 17 minutes, Mini Plenty, qui est vraiment, vraiment très chouette et qui est très Steve Stapletonien. Mais là, il est tard, donc écoutez-le vous-même. Hugo Pearl, 1984, Mini Plenty. Il n'y a pas que ce morceau-là qui est bien. Il y a quelques petites vignettes de 2-3 minutes qui sont bien. Mais dans l'ensemble, j'avoue que j'étais content. Ouah, un album solo de Hugo Pearl, ça va tuer. Et ouais, bof. Non, vraiment, au lieu de ça, j'ai envie juste vraiment, puisqu'on parle de Hugh Hopper et de sa qualité de bassiste et d'improvisateur, j'ai envie d'écouter un titre de Rock Bottom, qui reste pour moi l'un des plus beaux albums de l'histoire de la musique, franchement. L'album solo de Robert Wyatt. Donc on va s'écouter ça, on va s'écouter Alifib, le quatrième titre de Rock Bottom, où Hugh Hopper est à la basse. Bon, voilà, on est sur une ambiance... déclinante, hein. Il y a tout un univers dans Rock Bottom d'espoir et de désespoir qui s'entremêlent, et là on est plutôt dans la période un peu désespérée, et voilà, donc est-ce qu'il y a vraiment des mots pour qualifier et pour décrire la grâce? Non, surtout pas quand elle est sur le point de s'écouler dans nos oreilles. Alors voilà, c'est parti, Alifib, tiré de Rock Bottom de Robert Wyatt. Et c'est Mr. Hugh Hopper qui est à la basse en complète improvisation. Et c'est juste magistral. Thank you. C'est un crève-cœur de coupé parce que juste après il y a A Life là, qui est le morceau qui répond où justement il y a la fameuse Ali Fib qui finit par intervenir. Enfin, que dire de plus, cet album est juste pour moi un des plus beaux albums de l'histoire de la musique. J'en perds mes mots, j'ai les poils hérissés et pourtant c'est pas la première fois du tout que je l'écoute, mais oh là là, quelle merveille, mais quelle merveille, voilà, toujours un plaisir. Et Hugh Hopper, bah voilà, moi je retiens notamment sa participation à cet album-là. Il n'est pas le seul, hein, cet album, c'est une espèce de best-of de tous les musiciens les plus talentueux de cette époque-là. Il y a Fred Frith notamment qui vient dire coucou, il y a, les noms m'échappent, moi j'ai pas envie de faire du name dropping après un truc pareil. J'ai plus les mots et je te laisse la parole pour le mot final, Nico. Oh là là là là, c'est dur. Quelle responsabilité. Moi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Hugh Hopper? C'est pour moi aussi un musicien que c'est pas toujours facile à écouter, je pense. J'ai plusieurs albums de lui et c'est différent qu'il joue avec Robert Wyatt, par exemple. Pour moi, c'est aussi des albums assez fort, assez intéressant, mais comme solo, souvent c'est plutôt orienté vers le jazz. C'est pas toujours mon truc. Je te comprends. Cela dit, j'insiste, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le titre Mini Plantique, j'ai failli passer ce soir et je me suis dit, bah, il dure 17 minutes, vaut mieux que je parle pendant 17 minutes et que je parle plutôt qu'on l'écoute. Mais pour le coup, je crois que tu t'y retrouverais. Mais c'est pas forcément le cas de tout le reste de cet album-là. Pareil, moi, j'ai le vinyle de Upper Trinity Box. C'est pas hyper intéressant, ouais, à vrai dire. Ouais. C'est peut-être plus le musicien qu'il faudra retenir que le compositeur. Voilà, je pense aussi. Mais on va continuer peut-être pour clôturer l'émission avec Pierre Henry. Et donc, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'il y a l'inspiration pour Stephen Stapleton? Parce que Pierre Henry et Pierre Schaeffer sont des fondateurs de la musique concrète, spécialement Pierre Schaeffer plutôt que Pierre Henry. Et là, actuellement, on peut se dire, ok, si qu'on écoute les premiers albums de Nurse With Wound, pas le premier, peut-être le deuxième, mais après il y a le Sylvian Bells par exemple, là on voit clairement que c'est un album ou que c'est vraiment inspiré de cette musique concrète. C'est-à-dire que c'est enregistrer des sons ou de créer des sons enregistrés sur un banc magnétique et le manipuler à la main, vraiment couper, coller. Et comme actuellement, on fait ça plutôt dans la manière digitale. Et c'est des choses qu'on entend aussi avec la musique concrète actuelle. C'est beaucoup moins inspirant que ce qui a été créé dans les années 50-60, je trouve. Je ne sais pas si tu connaissais la musique concrète déjà depuis longtemps, Manu? Ouais, bah, comment dire, mon expérience avec la musique concrète, c'est que j'ai découvert plutôt des choses qui se font actuellement. J'ai eu notamment l'occasion de voir en vrai. Et donc, je me suis intéressé aux grands noms du genre après, ultérieurement. Du coup, peut-être le fait d'avoir fait ce chemin-là, j'aurais pas le même regard que toi. Je trouve les choses actuelles, certes, forcément plus... Elles ont été réalisées plus facilement, comme tu disais, quoi, de façon digitale et numérique, on va beaucoup plus vite. Mais je trouve qu'il y a certaines choses qui, quand même, m'ont quand même beaucoup touché. Et, voilà, je sais pas quoi dire. J'ai découvert Luc Ferrari après avoir écouté plein de gens qui ont eu la même démarche que lui, qui n'étaient pas forcément inspirés, mais qui ont eu la même démarche. Et du coup, le plaisir a été le même d'un côté comme de l'autre pour moi. Je me suis pas vu de hiérarchie. Si j'avais écouté les grands noms en premier, probablement que mon esprit serait influencé. Mais comme j'ai fait le chemin inverse, non, moi, je mettrais tout ce beau monde à égalité, quoi. C'est d'avoir ces démarches-là radicales, de les tenir jusqu'au bout, quel que soit, même si c'est plus facile maintenant. D'ailleurs, je profite de faire une petite parenthèse, mais si c'est, je crois que c'est encore le cas. Allez sur Arte 7, il y a un documentaire qui s'appelle Sisters with Transistors, qui parle des pionnières de la musique électronique. Et là, justement, on voit ces grandes dames, Eliane Radic, par exemple, j'ai pas retenu tous les noms, on les voit en train de composer, d'écrire, et effectivement, toute la galère que c'était à l'époque, de bosser avec une chambre d'écho, de couper des bandes, littéralement, de les recoller, etc. Et que maintenant, en 10 minutes, on peut faire un morceau qu'elles ont mis une semaine à réaliser. Et le documentaire est vraiment excellent, notamment pour ce que ça raconte du fait d'être une femme et de faire de la musique dans ces années-là. Et c'est toujours valable de nos jours, hélas. Et aussi pour qu'est-ce que ça raconte de faire de la musique avec ce matériel-là, d'aller jusqu'au bout d'une démarche. C'est voilà, un documentaire très intéressant, soit dit en passant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est un documentaire absolument à voir. Mais je pense que tu viens de citer Luc Ferrari, et pour moi, c'est aussi un des grands noms. Tu vois, ça reste quand même un icône dans ce monde de musique. Mais je trouve que si on écoute les créateurs actuels, on peut souvent le dire de quelle école il vient, parce qu'ils utilisent tous le même effet, de même manipulation, de même méthode de le faire. Et donc, si on va à une autre école, on entend vraiment que c'est des autres manières de créer la musique et que c'est toujours la même chose. Donc, et il faut aussi dire que la musique concrète, c'est plutôt la musique que, pour si on voit ça en direct, c'est pas un concert où que les gens manipulent les instruments, c'est plutôt souvent sur une installation, un acousmonium, où qu'on doit fermer ses yeux et écouter comment le compositeur manipule et crée ce son. Je me souviens encore, et c'est un des premières fois que j'ai vu un concert dans ce sens-là, c'était Pierre-Henri que j'ai vu à Londres, mi-années 90, et c'était un monde qui s'ouvrait pour moi. Mais une fois qu'on a vu beaucoup, on voit que c'est souvent la même chose, qu'ils utilisent les mêmes effets, les mêmes stratégies, toutes les choses comme ça. Et ça m'inspire beaucoup, moi, que qu'on a entendu aujourd'hui. Si on entend les albums d'aujourd'hui, je pense que ça reste intéressant. C'est vraiment... ouais, je ne sais pas. Il y a des compositeurs actuels de musique concrète, là, des entre guillemets, descendants de Pierre-Henri, qui trouvent grâce à tes oreilles? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a des compositeurs actuels justement de cette école-là, de Pierre-Henri, qui trouvent grâce à tes oreilles et que tu conseillerais aux auditeurs? C'est plutôt les gens dans la même période qui viennent souvent de JRM. Parce que si on regarde, si on regarde tous les gens qui étaient un peu liés au JRM à cette époque-là, c'est super chouette, ou des gens qui ont, je m'échappe quelques noms, j'ai encore fait des interviews avec eux, un monsieur qui est presque 90 ans, oui, le nom m'échappe. Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider. Allez, il y a plusieurs, mais attends, mais c'est plutôt dans la même période. Donc, par exemple, en Belgique, on a Annette van de Gorne qui est spécialisée dedans et qu'il y a toute une équipe de gens qui ont suivi des cours autour d'elle. C'est chouette, mais pas plus que ça. Je ne sais pas si tu connais Annette van de Gorne. Non. Ouais. Donc, c'est aussi un studio à Mons. Elle invite souvent des compositeurs, et souvent c'est encore des anciens compositeurs, parce que là, ça reste assez intéressant. Mais elle stimule aussi des jeunes, mais ça reste, ouais, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas très... ça ne donne pas beaucoup d'inspiration pour moi. Mais c'est justement une opinion vraiment personnelle. Hein. Bah, c'est une opinion qui doit être due au bagage aussi. Hein. Moi, je te dis, j'ai découvert ça dans l'autre sens, donc j'ai eu l'occasion de voir des concerts d'électro-acoustique et pas forcément dans des conditions d'acousmonium, comme tu disais, mais j'ai souvenir, là, on a reçu un des plus beaux concerts qu'on ait fait avec un archer dans l'IUCA, c'était au Bar Dada, et c'était, comment est-ce qu'elle s'appelait ? Bérangère Maximin. Oh là là, j'ai récupéré un album de sortie d'ailleurs chez Crammed Records, chez nos amis belges. Alors c'est sûr que bon, sur scène c'est juste une personne avec un ordinateur, on est moins dans la complexité de réalisation qu'il pouvait y avoir à l'époque, mais les yeux fermés, à vrai dire le voyage est le même. En tout cas, quand on est novice comme moi, on se laisse aussi très facilement bercer, autant par quelqu'un comme Bérangère Maximin que par les Luc Ferrari ou notre ami Pierre-Henri qui est le fil rouge de ce soir. Mais c'est, alors là, encore une fois, hein, je parle de ressenti et pas du tout de qualitatif, parce que je me sentirais pas du tout à juger le travail ou l'inspiration qu'ont eu, mais juste qu'est-ce qui se passe quand j'écoute cette musique et que je ferme les yeux. Ouais, il se passe vraiment quelque chose, il y a une démarche qui est quand même plutôt radicale, et pour autant, c'est pas abscon, quoi, ça parle, je trouve. Ouais. Je pense que tu le décrives très bien, que c'est justement ce qu'a créé sur toi-même, et ça, c'est, je pense que c'est justement ce qu'est la musique, et si on écoute la musique dans un concert, c'est justement ça, qu'est-ce que ça... fait avec toi, ça peut déterminer est-ce que tu aimes bien ça ou pas. Ouais, complètement. Puis c'est aussi l'avantage d'être novice en certaines matières, c'est qu'on écoute sans penser à, sans dire ah bah non, ça me rappelle un tel ou un tel. Et moi, je passe pour un gros snob en société parce que je vais voir un groupe de noise et me dire ouais, non, mais attends, c'est bon, ça me rappelle tel groupe ou tel groupe. Bon, ils ont rien inventé. Et du coup, je me prive peut-être du plaisir de l'écoute fraîche, de l'écoute novice. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai la chance de pas être très très calé en musique électroacoustique, donc être très très facilement embarquable dans un coin, dans un autre, sans avoir un nom propre qui me vient à l'esprit. C'est pas le cas dans d'autres musiques où je me rends compte que je suis devenu exigeant et que j'ai beaucoup beaucoup trop de références pour pouvoir apprécier la musique en soi. Voilà, ouais, je comprends. Et c'est, à mon avis, c'est justement ce qui est arrivé avec moi, que j'ai déjà écouté beaucoup de musique conquête, que je suis devenu beaucoup plus je demande beaucoup de musiciens pour qu'ils me peuvent encore le surprendre. Ah, mais c'est comme une drogue, hein. Du coup, il faut à chaque fois une dose plus forte que la fois précédente. Mais il y a un peu de ça, hein. Puis d'ailleurs, les auditrices et auditeurs qui auront suivi notre feuilleton jusqu'au bout, là, on est au 21e épisode, mais il en reste encore beaucoup. Pareil, après, ils écouteront plus la musique comme avant, hein. N'écoutez pas vraiment autre chose, ça va vous rendre exigeant, ça va vous rendre snob. Voilà. Vos amis vont vous tirer la gueule parce que vous êtes jamais content au concert et que vous trouvez toujours quelque chose à redire. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous dire, n'écoutez plus la radio, attention. Vous allez devant des grands dangers, vous allez devenir des geeks comme nous, vous n'aurez plus d'amis et vous serez réduit à faire de la radio. Ouais, mais l'avantage, c'est avec l'émission autour de North Street List, il faut écouter après qu'on ait terminé toute la série de musique qui commence à partir de 1980. Parce que la liste, c'est jusque 79. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir après. Carrément. On clôt cette spéciale Pierre-Henri. Tout à fait. Donc, on va écouter un dernier morceau qui s'appelle « Après la mort 2 », mouvement en 6 parties. Et ça vient de l'album « Le voyage d'après le livre des morts tibétains ». magnifique enchaînement. Là, c'est le cartoucheur qui s'est lâché, qui a décidé de mettre une intro d'Horrific Child juste derrière. Et le pire, c'est que ça colle. Ça colle bien. C'est clair. C'est, encore une fois, mortel. Fabuleux. Ça s'appelle Après la mort 2 et c'est mortel. C'est mortel, tout à fait. Et justement, pour clôturer, il y a peut-être encore trois noms de se souvenir. Il y a aussi un Belge assez important dans la musique concrète, c'est Leo Cooper. Il y a aussi encore deux Français, François Dumont et François Bayle. Francis Dumont, il est né en 1926. Donc, en quelques années, il devient 100 ans. Et si vous avez l'occasion de voir un concert de lui, il faut le faire. Ah, ce sont des gens qui continuent à faire de la musique et des concerts. Oui, plutôt de faire des concerts, parce que c'est justement de manipuler les faders. Donc, c'est pas vraiment... Ils composent encore, mais pas beaucoup. Ok. Et quant à Pierre-Henri, il est plus des nôtres Oui, il était décédé en 2017. D'accord, ok. Et en laissant donc derrière lui, tu as dit combien, 92 albums, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Il y a encore, mais c'est que récemment, quelques rééditions qui sont commencées de le faire. Peut-être qu'il y a encore des albums qui vont sortir avec des morceaux inédits ou je ne sais pas quoi, mais... Ça peut encore venir parce qu'il n'est que décédé en 2017, donc c'est que 5 ans maintenant, donc ça va encore. Et donc du coup, si pour se plonger là, si pour les auditrices, les auditeurs et puis moi-même d'ailleurs, à vrai dire qu'il suis très novice en Pierre-Henri, en dehors des albums qu'on a écoutés, bon, je retiens surtout cette histoire de Porte et de Soupir, là, ça m'a fait vraiment rêver, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a d'autres albums que tu n'as pas pu passer ce soir mais dont tu recommandes l'écoute? Oh, pour moi, ça dépend un peu dans quel mood, dans quelle atmosphère, dans quel truc que tu es. Parce que c'est aussi un album que j'aime bien, c'est celui-là avec Gilbert Hartman, qu'on connaît déjà parce qu'il était de Urban Sex. Et il fait avec Pierre-Henri un album en 82. Ok, c'est pas la même chose, mais c'est quand même intéressant. Et ouais. Je n'ose pas te dire qu'il faut écouter ça ou ça ou ça, parce que aussi personnellement, j'ai constaté que ça change un peu de mon sentiment. Il y a des jours que j'aime bien un album ou qui m'inspire, et des jours que ça ne fait pas la même chose. Donc, J'ai ce rapport-là aussi avec la musique. Bah, écoute, ouais. Urban Sax, Gilbert Hartman, c'est toi qui nous l'as fait découvrir en tout début de feuilleton, là, quand on était à la lettre A, et... J'ai encore réécouté ça l'autre jour, c'est extraordinaire, mais vraiment, alors du coup, les deux réunis, je vais suivre ton conseil, je vais aller écouter ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, et puis, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit générique. Bonjour les petits enfants. Ouais, le petit bonjour les petits enfants, là, ça vient du grand méchant cochon. le grand Magic Circus là, que Jérôme nous avait chroniqué il y a quelques émissions de ça. Qu'on salue Jérôme, hein, qui a quitté Toulouse et qui du coup n'est plus des chroniqueurs de vraiment autre chose, mais peut-être qu'on le retrouvera par les biais numériques à un moment ou à un autre. Et puis juste derrière, là, ce qu'on entend, c'est Jean-Coen Solal, Captain Tarte aux Pommes. C'est la musique du générique de fin, parce qu'il est venu le temps de l'interminable récapitulatif de fin d'émission. Qu'est-ce qu'on a écouté ce soir? Et c'est toi qui as ouvert la danse. Tout à fait. On a commencé avec le duo Pierre Schaeffer et Pierre-Henri de leur album Symphonie pour un homme seul, Concerto des ambiguïtés, qui était sorti en 72. Et on a entendu trois morceaux, Prosopopo 1, Erotica et Scherzo. Ensuite, on est passé à Horrific Child, le projet solo du producteur fou Jean-Pierre Massiera. L'album s'appelle L'effrayant Mr. Winster. Alors là, je perds mes mots. Et en plus, j'avais pas pris de notes. En tout cas, un album incroyable, mais vraiment hautement recommandé par moi-même. Et dont on a écouté le titre d'ouverture, Frayeur, et le titre de clôture, H-I-A, ce qui signifie horreur mince. Inaccessible accumulé, je crois. Indescriptible, horreur indescriptible accumulée, voilà, de Horrific Child, l'étrange Mr. Winster, sorti en 1976. Et je vois aussi que je me suis trompé, parce que le tout premier morceau qu'on a joué, c'était Pierre-Henri ensemble avec Michel Colombier, avec le fameux morceau Psyche Rock. Mais oui. Qui venait de l'album Les Jerks électroniques de la messe pour le temps présent et musique concrète pour Maurice Béjart, qui était sorti en 68. Et oui, donc du coup, là, c'est monté à l'envers comme un film de Tarantino. Voilà. On a écouté après Juan Hidalgo, deux titres de l'album Rose, Rose, c'est la vie. Donc, vous vous rappelez de ce concept d'une mélodie au glockenspiel et qui dure 6 minutes 20 et qui est augmentée au fur et à mesure par des instruments qui se rajoutent toujours dans des boucles de 6 minutes 20. On a écouté le quatrième titre, Eau de Voilette, et on a terminé avec L-H-O-O-Q. Et ensuite, c'était Pierre-Henri avec le premier temps, séquence 5, Les Quatre Cavaliers, qui venait de l'album Apocalypse de Jean et qui s'est sorti en 69. Ensuite, on est passé aux USA avec le deuxième pire vente de l'histoire de Columbia Records. J'ai nommé le Hampton Grease Band et on a écouté donc de tirer de leur album Music to Eat, sorti en 1971, les titres Maria, suivi de Lawton. Et ensuite, c'était les variations pour une porte et un soupir de Pierre-Henri qui datait de 67. Et on a entendu quatre variations. Le premier, c'était Éveil, le Fèvre 1, le Chant 4 et Râle. Ensuite, quand il s'est agi de s'attaquer à Hugh Hopper, qui apparaît sur la Nurse With Wound List, j'ai complètement désobéi à la règle consistant à passer un titre d'un album solo de ce bassiste et j'ai préféré me replonger dans un bon vieil extrait de Rock Bottom, l'album de Robert Wyatt, et on a écouté donc Ali Fib où le Hugh Hopper excelle à la basse. Et pour clôturer l'émission, nous avons entendu Après la mort de... Mouvement six parties, ça venait de Le Voyage d'après, le livre des morts tibétains. C'est aussi un album de Pierre-Henri qui était sorti en 68. Et ben voilà, cette émission touche à sa fin. Que dire de plus, qu'on se retrouvera bientôt pour un autre épisode. Ce sera le 22e épisode qui aura un fil rouge autour de Henry Cow et qu'on continuera à parler de groupes en H. Il nous en manque certains. Peut-être qu'on attaquera la lettre G. Est-ce qu'on touchera le point G? Je n'en suis pas sûr parce qu'il reste quand même pas mal de groupes en H. Mais bon, on va tenter de le faire. Et d'ici là, merci Nico, merci pour tout. Avec un grand plaisir, ça fait toujours un plaisir de faire ensemble l'émission. Grave, ça fait peut-être 2 mois qu'on n'avait pas fait une ensemble. Est-ce que tu as des... Depuis, j'imagine que tu as bien bougé dans ton émission Mokralsloa, et tu le dis mieux que moi. Est-ce que tu as des émissions en podcast, en écoute, dont tu as envie de nous parler avant qu'on rende l'antenne? Oh, oui, donc en janvier, c'était le 30e anniversaire de l'émission, et durant tout le mois de janvier, j'ai fait un mix par jour de 1 heure. Et donc, tous les 31e épisode était aussi créé. C'est en ligne sur Radio Panique et aussi beaucoup des autres épisodes. Eh bien, parfait. On va essayer de jeter une oreille à tout ça. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à rester à l'écoute de Radio Radio. Là, j'ai devant moi la liste de ce qui nous attend sur le robot, quoi, la playlist de nocturne de Radio Radio. Là, à venir, il y a l'ensemble rayé, King Crimson, Kevin Ayers, Flatter Society, des compatriotes. Ouais, absolument. Heartburst, les Residents, Godspeed, Myriodor, Enrico. Waouh! Ben voilà, en plus ça annonce l'émission à venir. Belle programmation sur Radio Radio, n'hésitez pas à rester à l'antenne et si vous nous écoutez en différé, n'hésitez pas à écouter la prochaine émission, les émissions précédentes. Et bonne fin de soirée à tous. Bonne nuit les Toulousiens.